baron. Un matin de mai 1832, on découvrit sous les buissons à 2 lieues de Turin le cadavre du baron Schwartz. Le charmant Cavour n'avait pas encore commencé à vocaliser entre ses favoris roux les cavatines de sa politique gay. Les affiliés à l'œuvre du charbon, les carbonari, recrutés dans toutes les classes de la société, chantaient déjà la basse noble de l'opéra seria dans les forêts du royaume sarde. Lorsqu'on découvrit le corps du baron, le peuple de la rue fit courir aussitôt un petit sonnet dans lequel il était dit crûment que le baron avait dû mécontenter un amateur de bottes. Mais la police se donna le visage de prendre la chose au sérieux. Un coup de pointe, net comme un coup d'épée. Il lui a proprement percé le cœur. 10 ans de pratique et 300 ans de désinvolture héréditaire. Madame la Duchesse est sortie. C'est son fils que nous voulons voir. Son fils? Ah, le colonel Angelo Pardi. Malheureusement, sa seigneurie vient également de sortir une demi-heure à peine avant l'arrivée de ces messieurs. Pour longtemps? Pour une simple visite, je crois. Et même pour une visite galante. Sa seigneurie était en grand uniforme et elle montait un cheval de parade. 2 jours après, le douanier français qui, le soir, se dégourdissait les jambes sur la route d'Italie au Mont-Genèvre, vit monter du côté de Cézanne un cavalier qui semblait un épidore sur un cheval noir. À mieux regarder, il reconnut que c'était un officier des hussards du roi de Sardaigne, en grand uniforme. Ce beau monsieur entre à son aise. Il se promène en France comme chez lui. Oh, pas de salisette. Je vais lui faire voir de quel bois je me chauffe. Ce genre de foutre va me faire perdre mes 12 sous par jour. Le hussard sur le toit de Jean Giono. Premier épisode. Le soleil était haut. Depuis longtemps déjà, Angelo montait à travers la forêt de chênes. Il suivait une petite route couverte d'une épaisse couche de poussière où chaque pas du cheval soulevait une fumée qui ne retombait pas. Sur les talus brûlés jusqu'à l'os, quelques chardons blancs cliquetaient au passage, comme si la terre métallique frémissait. À la ronde, sous les sabots du cheval, il n'y avait que ce petit bruit de vertèbres très craquant malgré le bruit de pas assourdi par la poussière. La présence des grands arbres muets devenait presque irréelle. Le tronc des chênes craquait. Dans le sous-bois sec et nu comme un parquet d'église, inondé de cette lumière blanche qui aveuglait, la marche du cheval faisait tourner lentement de longs rayons noirs. Longtemps après, Il était de plus en plus nécessaire de trouver de l'eau. Le chemin suivait une longue crête sèche. Enfin, le chemin se décida à redescendre et brusquement, après un détour, apparut une maison qui était manifestement une auberge. Salut, caporal. J'ai tout ce qu'il faut pour votre cheval, mais pour vous, ce sera plus difficile. Hein? À moins que vous vous contentiez de mon dîner. À la fortune des bois. Et est-ce que vous tenez beaucoup à votre redingote? Mes chaises sont usées par les frocards et la paille va mordre votre drap comme du vinaigre. Quel frocard? Ceux des couvents. Ils font leur quart de lieu à travers bois pour venir siroter leur petit dessin. Il leur est permis de boire du vin? Si vous allez par là, rien n'est permis. Est-ce qu'il est permis à un ancien sous-officier du 27e régiment d'infanterie légère de faire l'aubergiste sur une route où il ne passe que des renards? Est-ce que c'est écrit dans les droits de l'homme, ça? Ces trois garçons sont de bons garçons. Il y a bien par-ci, par-là, quelques coups de cloche et une prise d'armes avec bannières et trompettes pour l'érogation, mais leur vrai travail, c'est de cultiver la terre. Je n'ai pas de salle à manger. D'habitude, je déguste mon petit frishti dans ce coin là-bas. Mais je pense que ce serait un peu couillon que nous prenions notre repas de tables séparées. D'autant plus qu'il faudra que je me lève à chaque instant pour vous servir. Vous voyez un inconvénient, ce que nos couverts soient mis à la même? Je saurais me tenir, hein, si ça vous est agréable. Entendu. Prenez un peu de piquette. Les auberges du genre de la vôtre sont généralement sanglantes. Il y a toujours dans ces endroits-là un four pour cuire les cadavres et un puits pour jeter les os. J'ai un four, mais je n'ai pas de puits. Remarquez qu'on peut très bien enterrer les os dans les bois. Ou je serais bien le diable qu'on y voit clair. Je ne déteste pas les marches d'un mort subit. Dans l'état d'esprit où je suis, rien ne me serait plus agréable qu'une aventure de ce genre. Vraiment? Les hommes sont drôlement faits. Il est inutile de le dire, je crois, à un sous-officier qui a eu l'honneur d'appartenir au 27e d'infanterie légère. Ah, pour vous servir. J'ai tellement à débattre avec moi-même sur des sujets particulièrement difficiles que j'éprouverais un grand soulagement à être attaqué par des gaillards décidés qui en voudraient ma bourse et ne pourraient éviter les galères et même la guillotine qu'en menaçant désespérément ma vie. Je crois que j'accepterais le combat avec joie, même dans ce petit escalier étroit que je vois là-bas. Vous savez, il serait difficile d'y faire des feintes. Ou dans un galta dont la porte ne ferme pas et d'où j'entendrais monter les assassins sur leurs pieds nus. Me dire que j'ai deux coups de pistolet à tirer et qu'ensuite il faudra régler l'affaire avec ce poignard qui ne me quitte jamais. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Et voilà la seule façon de parler d'amour sans qu'on puisse se moquer de moi. On dit ça, mais je crois que ces moments-là ne sont pas rigolos. Enfin, c'est la jeunesse, tout le monde y est passé. Ce qui prouve bien que les dangers n'en sont pas mortels. Ou bien je me ferai ermite. Et pourquoi pas? Un petit verger, des vignes, peut-être un froc. Qui est en somme un vêtement commode. Quelqu'un qui craint le ridicule par-dessus tout en est parfaitement protégé. Voilà peut-être un moyen d'être libre. Tenez, pour la dépense, Merci bien. Passez pas au soleil, hein? Il n'y avait jamais eu un été semblable dans les collines. D'ailleurs, ce jour-là, cette même chaleur noire commença à déferler en vagues brutales sur le pays du Sud. Sur les solitudes du Var, où les petits chênes se mirent à crépiter. Sur les fermes perdues des plateaux, où les citernes furent tout de suite assaillies de vols de pigeons. Sur Marseille, où les égouts commencèrent à fumer. À Aix, à midi, le silence de sieste était tellement grand que sur les boulevards, les fontaines sonnaient comme dans la nuit. À Draguignan, les collines renvoyaient la chaleur dans cette cuvette où se tient la ville. Il fut impossible de faire la sieste. Les toutes petites fenêtres des maisons qui, en temps ordinaire, permettent aux chambres de rester fraîches, il faisait cette fois tellement chaud qu'on avait envie de les agrandir à coups de pioche pour pouvoir respirer. Tout le monde s'en alla au champ. Il n'y a pas de source, pas de fontaine. On mangea des melons et des abricots qui étaient chauds comme cuits. On se coucha dans l'herbe à plat ventre. On mangea également du melon à Lavalette. Et juste au moment où Angelo passait sous des rochers d'où coulait une odeur d'œuf pourri, la jeune madame de Théus descendait en courant en plein soleil les escaliers du château pour aller au village où, paraît-il, une femme de cuisine descendue une heure avant, juste au moment où cette vieille canaille d'aubergiste disait à Angelo « ne passez pas au soleil », venait d'y tomber subitement très malade. Et maintenant, pendant qu'Angelo continuait à suivre les yeux fermés ce chemin torride à travers les collines, la femme de cuisine était morte. On mangea formidablement des melons dans la vallée du Rhône. Cette vallée longeait vers l'est le territoire vert de gris que traversait Angelo. À Toulon, un médecin inspecteur de la marine de guerre insista pour être reçu dès 2 heures de l'après-midi par l'amiral commandant de la place. Vous comprenez les choses qu'on vous dit ? Je suis désolé, l'amiral ne peut vous recevoir, revenez vers 7 heures. À 7 heures, il sera trop tard, il faut que je le voie tout de suite. Je vous dis que c'est impossible. Il y a urgence, je ne me permettrai pas de le déranger. C'est impossible, n'insistez pas. Mais essayez de comprendre, mon Dieu ! Mais qu'est-ce que vous avez ? Rien ! Rien du tout ! Excusez-moi. Tant pis. Tant pis. Le chemin que suivait le cheval d'Angelo frappa de la tête contre un de ces rochers en forme de voile latine et il se mit à l'enlacer en direction d'un village dissimulé dans les pierres comme un nid de guêpes. Le village était désert. Pardon, madame, auriez-vous un peu d'eau ? De l'eau, il n'y en a plus. Les pigeons ont souillé les citernes. Alors, des melons ou des tomates ? Des tomates, oui. Je vais vous en chercher. Mais vous tâchez. C'est avec des bravades comme ça que mon mari s'est rendu malade et qu'il bat la fièvre depuis hier. Il ne peut plus se réchauffer. Où est-il ? Ben là, dans son lit. Calme-toi. Maintenant, il ne souffre plus guère, mais il s'est encore tordu de colis toute la matinée. Il n'en fait qu'à sa tête, comme vous. C'était le moment où le médecin inspecteur de la marine disait « tant pis » et s'en retournait dans Toulon. Il descendit la rue de l'Oratoire, la rue Larmedieu, à travers laquelle le port soufflait à bouffer de dormeurs l'odeur de son estomac vert, remontait la rue Mûrier, où il fut obligé d'enjamber les issues d'un lieu d'aisance, débouchait rue Lafayette sous des platanes, s'asseyait enfin à la terrasse du Duc d'Aumale et commandait une absinthe. Pas la peine d'être plus royaliste que le roi. Tout ça, c'est une question de rapport. Je n'ai qu'à en écrire un pour dégager ma responsabilité. Tous les ans, on dit il n'a jamais fait si chaud. Ce ne sont peut-être que de simples dysenteries dans un corps usé par l'excès. Symptômes prémonitoires. Psst ! Allons juger d'une façon certaine dans un corps ruiné par l'alcool, le tabac, les femmes, les tours du monde. De quoi veux-tu que ce soit le symptôme prémonitoire ? Merci. Tout ce que je pouvais dire, c'est que je le jugeais comme un symptôme prodromique. L'amiral aurait fait une drôle de gueule, tiré de la sieste pour être mis en face d'un symptôme purement prodromique. Collapsus. Même le collapsus. Corps ruiné dans lesquels une simple dysenterie peut présenter des formes asiatiques. Loin du Gange, l'Inde, où la chaleur fait éclore les éléphants et les nuages de mouches. Delta de l'Indus, boue, 50 degrés, pas d'ombre. L'eau qui pourrit comme n'importe quel corps organisé. Je vais quand même demander une audience à l'amiral. Ce soir. D'autant que, d'ici ce soir, un médecin civil peut très bien... Ils ont moins de pincettes à prendre devant un collapsus. Orage bleu baleine dans le cul-de-sac du golfe du Bengale. Miasme délétère à bord de la Melpomène. Garçon! Monsieur ? Une autre absinthe. Au moment où on apporta la deuxième absinthe au médecin inspecteur, à Lavalette, la jeune madame se disait « Il me semble qu'il y a un siècle ». La mort de la fille de cuisine avait aboli le temps. Au même moment, à plus de 40 lieues dans le nord, Angelo pénétrait de plus en plus profondément dans les hautes collines à travers un paysage de châtaigneraies grises sous un ciel gris. Il avait l'impression d'être en plomb bouillant. Le cheval allait d'un pas de profond sommeil. Le ciel entier éblouissait. Le soir n'était encore qu'un peu de bleu très pâle dans l'est, assez toutefois pour ternir les lunules et les grappes de petites lunes dont le feuillage des platanes de la rue Lafayette ocellait le trottoir près de la chaise d'osier du médecin inspecteur de la marine. Il crut que c'était le fait d'un nuage. Pleuvoir. Ma merde alors. 1, 2, 3, 4. Je sais pas, 7 absinthes, même bien tassées, qui m'empêcheront de voir que c'est tout simplement le soir qui arrive. Oui. C'est le soir. Mais j'en ai vu d'autres. Tout ce qu'il faut, c'est que je puisse prononcer correctement miasme délétère à bord de la Melpomène. Pour le reste, je lui lâche le paquet. Mais pour m'embarquer de prémonitoire et de prodromique, je lui dis ce que je pense. Et si le renard, c'est bien simple, je dis oui et vous dites non. Et nous avons un truc pour savoir qui a raison. L'autopsie. Garçon. Monsieur. Quelle heure est-il? 6h30. Allons-y. L'autopsie, une preuve indéniable. Amiral, je connais mon métier. J'ai découpé du chinois, de l'hindou, du javanais et du guatémaltèque. Ah non, ça c'est pas vrai. Je suis jamais allé au Guatemala. Mais ça me plaît bien. Guatémaltèque. Ce qui me dégoûte, c'est d'être obligé de discuter, d'expliquer le coup. Alors que dans mon bonhomme de la Melpomène, tout est expliqué de façon claire, positive, indiscutable. Pénétrons, monsieur l'amiral, qu'il ne faut pas déranger de sa sieste. Pénétrons dans ces 1m70 sur 40 du gabier de la Melpomène. Mort à midi, monsieur l'amiral, pendant que vous sirotiez le mocha et qu'on préparait le divan. Mort à midi, soufflé par le delta de l'Indus et le canon pneumatique de la haute vallée du Gange. Intestin coloré de rose hortensia, glande isolée faisant saillie, de la grosseur d'un grain de millet, et même d'un grain de chènevis, plaque de rayère granuleuse, tuméfaction des follicules qu'on appelle psorentrie, réplétion vasculaire de la rate, purée verdâtre dans la valvule iléo-sécale, et foie marbré, et œsophage cyanosé avec épithélium détaché et intestin bourré d'une matière que je pourrais comparer pour faciliter votre compréhension des choses de la science, monsieur l'amiral, à de l'eau de riz ou à du petit lait. Tout ça dans ces 1,70 m sur 40 du gabier de la Melpomène, bourré comme un pot-à-feu. Je ne suis que de deuxième classe, monsieur l'amiral, mais je veux vous assurer qu'il y a ici une bombe capable de faire en 5 secs éclater le royaume comme une grenade sanguinolente. Ah, l'amiral vous attend. Ah, il m'attend. Oh, dites-moi, mon vieux, vous avez les traits tirés. Vous avez l'air fatigué. Non, pas fatigué. Inquiet. Vous pouvez entrer. Médecin-inspecteur Reynaud. Au moment précis où le médecin-inspecteur pénétrait dans le bureau de l'amiral, au hameau de la Valette, le curé toucha le bras de la jeune madame de Théus. Pauvre fille. Ça ne servirait à rien de rester plus longtemps, madame la marquise. Ces femmes vont s'occuper de tout. Et j'ai prévenu pour le cercueil. J'ai l'impression que c'est ma faute. J'ai envoyé cette femme m'acheter des melons au gros de la chaleur. Elle a dû être frappée d'un coup de soleil dans ces grands escaliers de pierre dont la réverbération est mortelle. Je l'ai bien senti quand je suis descendue en courant. Je suis responsable de sa mort, monsieur le curé. Non, je ne crois pas. Je puis rassurer madame la marquise de ce côté-là. Trois autres personnes sont mortes cet après-midi. Et de la même manière, Barbe, veuve Génestan, Valy Joseph et Honora Bruno. On est venu me les déclarer presque en même temps. Je suis allé les voir et... C'est pour ne rien vous cacher ce qui m'a donné l'audace d'engager madame la marquise à remonter au château. Oh mon Dieu. Courons, cela vous fouettera le sein. Oui, courons. C'était le moment où Angelo, parvenu au sommet de la montagne, voyait enfin dans l'est les manifestations du soir. De l'endroit où il était, il découvrait plus de 500 lieues carrées depuis les Alpes jusqu'au massif en bordure de la mer. À part les pics acérés très haut dans le ciel et les très lointaines falaises noirâtres du sud, tout le pays était encore couvert des viscosités et des brumes de la chaleur. Mais déjà, la lumière était moins violente. Angelo poussa son cheval qui prit le trot. Il arriva à Bannon vers 8 heures, commanda 2 litres de vin de Bourgogne, 1 livre de cassonade, 1 poignée de poivre et le bol à ponche. Il lui fallut se cramponner à la rampe d'escalier pour monter à sa chambre. Il se coucha en travers du lit, soi-disant pour contempler à son aise la poignée d'étoiles énormes qui remplissaient le cadre de la fenêtre. Il s'endormit dans cette position, sans même enlever ses bottes. Le hussard sur le toit, de Jean Giono. C'était le premier épisode avec Bruno de Volder, Angelo, Maya Simon, Pauline de Théus, Armand Meffre, l'aubergiste, Alain Motet, le médecin-inspecteur, ainsi que Gérard Dournel, Maurice Travail, Alain Nobis, Bruno Balpe, Jean-Pierre Moreux, Marcel Barraud, Pierre Riche, Louis Amiel et Gaëtan Jean, avec la voix de Pierre Vanet. Directeur du son, Jean Jusfang, assisté de Pascal Bénard. Bruitage, Louis Amiel, assisté de Frédéric Antoine. Adaptation et réalisation, Claude Mourté, assisté de Daniel Finot.